Du moins 18 à matin à 4 heures, là. Hey. Quelle marque. Je suis monté au Saguenay en fin de semaine, puis justement, je jasais avec ma sœur, puis on se disait, hey, les années d'avant, là, on faisait quoi rendu au 21 mars, 22 mars, 23 mars? Je t'annonce que je portais plus mon manteau d'hiver ni mes bottes. Y a-tu quelqu'un qui s'est inquiété pour la glace du Red Bull Crash Test samedi soir? Mais non, hein? Y a pas une game d'hockey de Emmanuel Bilodeau avec Steven Guilbeault, là, David Suzuki en fin de semaine? Les ours polaires pleurent parce qu'ils sont écœurés. Ah, que vous êtes cons, les gars. Le réchauffement de la planète, ça a rien à voir avec le fait qu'il fait froid. Ah, c'est drôle quand tu fais plus 3 au mois de décembre, vous sortez tout avec vos pancartes. C'est parce qu'ils nous servent l'argument. Ils nous servent l'argument des patinoires de hockey, entre autres, pour nous dire, regardez, hein, on vous l'avait dit, il n'y a plus moyen de jouer au hockey l'hiver à Montréal. Ah non, on est rendu le 24 mars, d'après moi. Je ne sais pas si elles sont encore ouvertes, mais les patinoires pourraient être ouvertes. Facile, facile. Comme les arguments de loser en campagne électorale, ça marche juste d'un bord, ça ne marche pas de l'autre bord. Venez donc jouer votre game de hockey, là. Avec vos venez artistes, faire vos fins à moins 22. Puis, revenez donc jouer à la game que vous avez joué il y a 2-3 ans, disant qu'il faisait trop chaud. Saluez le cycliste qui se promène sur Charest présentement et qui se promène entre deux voies de trafic. Là, il est sur Charest, dans le coin de Franck Carrel, là. Ouais. D'après moi, c'est pas loin de l'intersection Saint-Sacrement, là, dans le coin 7, selon la photo. Ça, c'est pas un statement, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est faire exprès. C'est un peu comme le gars qui mange des vidanges. Ouais. C'est un statement. Sais-tu, c'est dans la même catégorie. Ouais. La personne qui se promène dans le trafic ce matin sur Charest et qui se plante en vélo en deux voies de trafic, ouais, c'est un gars qui cherche le trouble. C'est pareil. C'est la même affaire que le gars à JE qui essaie de faire la morale à une société de consommation en mangeant des vieux bagels d'un sac à vidange. J'espère qu'on n'a pas d'admiration pour ça. J'espère qu'il y a personne à applaudir en voyant ça à JE en fin de semaine. Regarde, moi le cœur m'a levé. Moi le cœur me lève. Le gars, il ramasse des légumes, des fruits, des morceaux de côtelettes de porc. Il a pas mangé côtelettes, là. Mais c'est épouvantable. C'est garder une chaîne, ça filmait. T'sais. Le misérabilisme. Entretenir le misérabilisme, valoriser la pauvreté, la simplicité volontaire, c'est pathétique. Là, on se parlait d'affaires qui nous font reculer. Sais-tu, la semaine passée, je vous disais que j'avais déjà vu un album d'Isabelle Boulay chez une fille chez qui j'avais passé la nuit. J'ai oublié de rappeler, ouais, c'est des choses qui arrivent. J'ai perdu le numéro de même. Mais tu vas chez quelqu'un que t'as rencontré dans un bar, tu passes une nuit agréable et tout ça, puis le lendemain matin, elle te fait des bagels qu'elle a ramassé d'un sac à poubelle. Ah, t'as dit juste après, hein? Ouais. T'as aimé mes bagels? Je les ai pris dans le conteneur. Moi, je fais de la simplicité volontaire et j'ai ramassé ces bagel witch-là dans un sac de poubelle. Le pire, c'est que c'est du monde qui ont même pas besoin de faire ça. Non, c'est juste pour dire, regardez. Le statement. Moi, je mange des poubelles. Ouais. Hein? Société de gaspillage. Moi, je vais vous montrer que vous faites fausse route. Consommer. Société. Exactement comme le gars qui se promène en Bessic sur Charest à matin. Sur Charest! Oui. À matin! Lundi matin, 7h30, avec des chars à travers les lumières, pas à travers les chars. Tous les parcours plus sécuritaires qu'il aurait pu prendre, ce joyeux cycliste a choisi de faire chier un nombre maximum d'automobilistes pour leur montrer qu'ils sont dans le champ. Je dis pas que c'est brillant sur Amel, mais si tu veux faire S-Ouest, tu y tiens absolument. Pogne Amel. Il a pogné Charest, Calvert. Il est au coin de Charest de Saint-Sacrement, en Bessic à pédale. S'il y en a qui ont d'autres photos aussi, je serais peut-être preneur de savoir où il est rendu. C'est pas brillant. C'est pas brillant. C'est parce que s'il se plante une plaque de glace, parce qu'il y en a à moins 22 à matin, ça va être la faute de qui, tu penses? Sûrement pas la sienne, hein? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Comme le gars qui mange d'un vidange à JE. Au début, c'était par nécessité. Je travaillais très peu à cette époque-là. J'ai jamais vu de rat ou de verre dans une poubelle. Okay. J'ai jamais été malade. Bon, pas à date. Tu iras à Lévis, il y en a des verres.